Chapitre 7e, rue de l'Oratoire. Le lendemain, vers les 11h30, Adrienne, en s'éveillant, éprouva un étrange bien-être. Les yeux à demi clos, elle pensa quelque temps au charme inconnu qu'elle éprouvait. « Ah, la belle nuit » s'écria-t-elle. Puis tout à coup, son cœur eut une de ces défaillances, semblables à celles du corps, si agréables dans leur début lorsqu'on se sent aller. Elle devint triste. Adrienne fut triste. Était-ce l'appréhension de l'inconnu? L'instant qui sépare la vie animale de la vie active, l'instant qui s'écoule entre le sommeil absorbant des facultés et le réveil complet, est celui où la pensée est le plus lucide. La jeune femme envisagea qu'elle mettait le pied sur un abîme. Il était encore temps de le retirer, mais son cœur ne voulait pas. Elle savoura le danger dans toute sa plénitude, dût-il à jamais troubler le repos de sa vie. Elle entrevoyait le mot amour tout fulgurant de lumière. Elle se laissa fasciner à plaisir. C'était la tempête qui amenait une mouette près d'un phare lumineux. On eût dit que l'oiseau éprouvait une amère volupté à marteler sa tête contre la vitre étincelante. La jeune femme se leva en disant « Je l'aime ». Elle ne se demanda pas si celui qu'elle aimait était digne de son amour, si celui à qui elle consacrait son cœur vierge ne lui apporterait pas en échange une âme vieillie avant l'âge. « Je l'aime ». Répéta-t-elle. Elle eût voulu le voir là, quitte à être repoussée comme la courtisane choyée le soir et rejetée le matin comme un objet de répulsion. La sensation était le point de départ de sa passion. La première fois qu'elle avait vu Gaston, elle avait été agréablement affectée en analysant cette figure noble, un peu souffreteuse. Une âme peu ordinaire devait animer ses yeux brillants de fièvre. Cette sensation lui était encore inconnue, elle qui n'avait trouvé d'agréable que le monde et ses voluptés. Elle l'avait donc embrassé avec toute la véhémence d'un cœur nouveau. La cause de cette sensation devait en être le terme. Voilà pourquoi elle aimait cet inconnu. Dès le moment qu'Adrienne comprit le mot amour, elle fut amoureuse de l'amour pour lui-même. Entrée dans son âme par la perception externe, l'amour avait instantanément envahi le cœur, et c'est là qu'il avait établi son foyer. Celui qui l'eût aperçue ce matin-là, rêveuse, les yeux limpides et calmes, et sa poitrine gonflant son blanc peignoir, ne l'eût certes point confondu avec une femme livrée au transport violent du désir. Il n'eût discerné qu'un cœur avide d'en rencontrer un pour l'absorber en entier ou être absorbée par lui. Elle s'était trouvée si seule jusqu'alors au milieu de ses salons si remplis de luxe et d'élégance. Cette passion subite et développée avec tant d'instantanéité ne sera comprise que des êtres fatalement voués aux inconcevables exigences de ce délire humain. La passion est d'autant plus rapide que le sujet est resté, pour ainsi dire, inactif jusqu'à cette heure, d'autant plus violente qu'il n'a point encore gaspillé ses forces, d'autant plus irritante qu'il n'y a eu ni déperdition morale, ni déperdition virile. Les âmes vierges, qui sentent l'ouragan poindre, comprendront. Les âmes fougueuses, où longtemps ont fermenté les passions, me comprendront en avouant que la violence est accrue de la lutte établie entre les forces physiques et les forces intellectuelles. En un moment, la jeune femme en était arrivée à adorer. Toutefois, un nuage passa sur son front d'ivoire, ce fut le seul. Elle ne craignait pas de souffrir, elle qui n'avait jamais souffert. Elle appréhenda de faire souffrir celui qu'elle aimait. « Je suis mariée. » pensa-t-elle. Ce mot terrible pour une femme qui en aime un autre se dessina dans toute sa laideur. Il y avait 2 ans qu'elle était mariée. Elle n'y avait jamais pensé. D'ailleurs, avait-elle failli? Toujours est-il qu'elle n'avait pas aimé. La femme du monde, la femme légère, l'exquise parisienne, dont la bouche maligne avait tant de fois ridiculisé principes et convenances, entrevit tout à coup des liens sacrés. Ce n'était pas l'imagination qui se créait des montagnes. C'était le cœur amoureux qui voulait respecter l'objet de son amour. Jamais femme mariée n'avait été plus libre. Jamais femme n'avait plus subitement découvert l'immensité du « oui » que prononce toute jeune fille inconsciente de l'avenir. « Je ne puis pourtant pas ne pas l'aimer, » se dit-elle. « D'ailleurs, ne le lui ai-je pas dit tacitement ? Me jouer de lui serait affreux, car lui, il est loyal, mon cœur me le dit. Je serais pour lui une amie, une mère. » Que je suis jeune, pourtant, j'ai à peine 20 ans. Je serai ridicule, je serai... Mon Dieu, que voudra-t-il que je sois? Je tremble, moi qui acceptais en riant tous les amants que le monde me donnait, et il m'en a tant donné. » La belle Adrienne se prit à rire, la gaieté était revenue. La jeune femme s'habilla et déjeuna en tête-à-tête avec son mari. Le duc fut charmant et d'une prévenance peu accoutumée. Adrienne le trouva pour la première fois ennuyeux et de mauvais goût. La femme amoureuse avait tort sur ce point. « Savez-vous, ma toute belle, que vous êtes à la mode plus que jamais? Vous avez été hier adorable. Vous avez fait damner toutes les femmes. Et les jeunes cœurs, donc, à ce propos, mamie, ont fait courir d'étranges bruits. » Adrienne prêta l'oreille. « On dit, continua le duc, que monsieur de Chénois, l'auditeur au Conseil d'État, a refusé une mission en Russie pour rester auprès de vous. Il perd par là son avenir, mais du reste, votre cœur vaut bien un royaume. Vous savez bien qu'en France, la couronne ne peut tomber en quenouille. Ce serait vous, duc, qui seriez le régent. Vous riez, cependant le fait est vrai. Engagez donc, monsieur de Chénois, acceptez. Je serais désolé d'entraver en rien les résolutions d'État. Monsieur de Chénois sera, je crois, un diplomate fort habile. » Trop habile, peut-être, j'en suis presque jaloux. Ah, monsieur, vous vous prenez un peu tard à le devenir. Toujours est-il que je vous serai très obligé de l'engager à partir. Il vous écoutera, j'en suis sûr. Si je puis vous être agréable en cela, ma charmante, je le ferai. Toujours gentilhomme. Si j'étais l'auditeur, je ne partirais pas, dit le duc en se levant. Auriez-vous aussi des secrets d'État? Répliqua en souriant Adrienne. Peut-être. J'aime mieux cela que de vous voir jaloux. J'aurai tort, n'est-ce pas? Et peut-être fort à faire. Nous parlions tout à l'heure, Régence. Vous vous exprimez comme les beaux de ce temps-là. Ce que je dis, Adrienne, c'est que vous êtes une femme adorable. Mais je suis en visite chez vous. Je me retire.